Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Majdi Embarque. Alors bonjour à tous, je vais vous raconter une galère que j'ai eue. Yes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à vouloir faire un peu de scène et tout ça, j'ai pris un peu la grosse tête et j'ai dit je vais organiser mon comedy club. Ouais. Alors étant donné que moi je viens d'un quartier, les premières personnes qui m'ont contacté c'est les mecs de mon quartier qui tiennent une chicha. Ah. Je pense que vous connaissez à peu près tous ouais, la suite. J'ai commencé dans les chichas moi, donc je connais. Ouais. Et ben c'était spécial quoi, ouais, parce que j'imagine. Parce que moi je n'y connaissais rien en chicha, étant donné que je ne fréquente pas ces gens-là parce que je veux pas avoir de cancer. Ouais, mais aussi. Et mes potes aussi. Mais pourtant j'ai quand même eu la détermination d'y aller. Donc j'y suis allé, j'ai ramené tous mes potes. Et dans mes potes il y a des gens qui ne sont pas du tout plus. Qui peuvent bien marcher avec un public de chicha. C'est ouais. Vraiment des vannes opposées, parce que oui, c'est triste à dire, c'est des clichés. C'est du public de théâtre, quoi. Ouais, et le public de chicha, c'est un public de city stade, on va dire. C'est ça, c'est du clash qu'il faut. Ouais, grave, exactement. Et ben, je les ai ramenés. Et c'était une soirée spéciale, parce qu'en fait, pendant qu'on parlait, les gens, ils tiraient sur la chicha, du coup, on ne nous entendait pas, on aurait dit des scooters dans la salle. Et nous, on ne nous écoutait pas, en fait. Et il n'y a que quand on les clashait qui nous écoutaient. Et il y a eu un pote à moi, je vais pas dire son prénom, ouais, qui a monté sur scène et qui lui a vraiment un spectacle qui touche un public qui n'est vraiment pas chicha. Il parle de chaussures, il parle de l'amour, mm-hmm. Tu vois, parler d'amour dans un public de chicha. Ouais, c'est comme parler de justice au gouvernement. Quoi. Ouais, c'est ça comme passe dire, pas. C'est comme dire des poésies à des CRS. Tu vois, ils vont pas c'est comprendre le aussi. Sens. Tu vois le c'est délire. Vrai aussi. Et le mec, il a vraiment, j'ai vraiment eu peur pour lui parce que à la fin, genre. J'ai cru qu'ils allaient le taper. Genre, il y a un mec ah qui ouais, s'est. Ah ouais, carrément vraiment, violence, quoi. Il y a vraiment un mec qui s'est levé et tout, qui a fait. Vas-y, c'est nul, il s'est cassé. Et moi, j'étais gêné parce que j'ai ramené mes potes. Et du coup, je leur ai donné. Je leur ai fait croire qu'il y avait un gros chapeau et tout. Je leur ai donné des sous que j'avais pas et tout. Ah, c'est-à-dire, t'as payé de ouais, ta poche. J'ai payé ma poche parce que j'étais trop triste. Mais c'était c'est, trop beau, c'est beau, ça, mais comme... c'était trop triste. Et du coup, genre. D'accord. Je leur ai dit. Et en gros, je les ai payés pour se faire défoncer, quoi. Ouais, ouais mais c'est... bon, quelque part, je veux dire, t'as été quand même. T'as eu tellement d'empathie pour les potes que ouais. t'as payé de ta poche pour qu'ils puissent repartir avec de l'argent. Bien quoi. Sûr. Et aujourd'hui, d'accord. Ils ne savent toujours pas, mais bon. D'accord. Du coup, tu témoignes dans ce podcast pour qu'ils te rendent la thune, c'est ça? Ouais, grave. C'est d'ailleurs, okay. Si tu peux me rendre la thune parce que je suis en galère maintenant. Tu leur avais donné combien chacun? 20 balles chacun, mais en fait. 20 euros chacun. Franchement, pour des premiers passages ou pour des passages, quand t'as pas beaucoup d'expérience, 20 euros c'est bon à prendre. Ouais, mais c'est comme s'ils avaient fait le service militaire, honnêtement. Je comprends. Ouais, ils auraient chicha, ils étaient face à un public. D'ailleurs, ils sont engagés dans l'armée derrière. Ouais, juste et... après. Bah, après, l'avantage c'est qu'après avoir joué dans la chicha, les mecs m'ont remercié. Mais t'as plus peur. Ils m'ont remercié, ils m'ont dit maintenant que j'ai vécu ça. C'est un vaccin en fait. Ouais, mais c'est ça. Si vous voulez être bien sur scène, allez au moins une fois dans une chicha, vous allez être vacciné et vous allez plus jamais stresser de votre exactement. Vie. Exactement. C'est un peu, ouais, c'est exactement ça. Et j'ai eu une deuxième galère aussi. Ouais. C'était d'ailleurs au double chez Asia. Mm-hmm. Et en fait, j'avais oublié que j'ai monté sur scène. Ouais. Et j'étais à l'opposé de Toulouse et j'y suis allé en courant. Oh. Et ouais. Bon, j'ai des grandes jambes. On pourrait penser que je cours vite, mais on dirait que je cours au ralenti. Et je suis beaucoup. Je suis vraiment beaucoup. D'accord. Et donc, je suis arrivé genre avec des auréoles. J'avais plein d'auréoles de partout, sur le voilà. Dos, devant et tout ça. D'ailleurs, attends, va falloir que j'essuie le téléphone après. Ouais. Continue, ouais. Et je suis arrivé. Et je puais, et je suis monté sur scène, genre, et le pire c'est qu'on doit passer au milieu des gens pour monter sur scène, donc encore plus galère, et je monte sur scène, et genre, bon, c'était super, c'était un de mes meilleurs passages, et après je suis descendu, il y a une meuf, elle me voit, elle m'a fait, c'était bien, mais tu puais, par contre. Elle t'a dit ça, quand ouais. Elle t'a dit, c'était bien, mais tu oui, puais. Ouais, c'était bien, mais tu puais, par contre. Je dis, oui, madame, parce que je prends beaucoup trop de temps à faire mes sketchs plutôt qu'à faire la douche, et du coup, elle a rigolé, mais bon. Oh là là, oh, c'est une anecdote en or, ça. T'es ouf. Mais c'est une anecdote en or. Quelqu'un du public qui te dit, c'était génial, mais tu puais. Ouais, non. Genre, merci, mon gueux. J'étais là. Genre, merci, madame. Je suis parti. T'es parti en boitant, après. Tu sais, presque le chapeau, il me le jette par terre. Ah, je fais, ouais, merci, sire. Oh, oh, franchement, génial. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Moi, Majdi Embarque. Bon, c'est compliqué, donc M-A-G-D-Y. Ouais. Point. Oui. M-B-A-R-K. Ok. C'était long, mais c'était sympa. Ouais, bah oui, avec plaisir. D'ailleurs, t'as des vannes sur le fait qu'il y ait une faute d'orthographe dans ton nom. Ouais, c'est plutôt marrant, je vous conseille d'aller voir ça. Ça fait plaisir. Donc, avec grand plaisir. Donc, on te retrouve donc sur Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Snapchat. Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etahi, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.